Bienvenue dans votre cyber revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, nous en sommes à l'édition du 26 août 2010, chers auditeurs. Bienvenue et bon retour après cette petite pause qui m'a permis de revenir ici, de me réinstaller en Asie dans mon petit nid. Alors, je serai ici encore pour quelques mois et puis je vais vous servir, je serai avec vous pour les prochains mois. Nous allons amorcer la session automne et puis nous serons avec vous là sans arrêt jusqu'au moins le temps des fêtes. Et puis, écoutez, ça va être un plaisir tout le temps d'être ici avec partager les nouvelles, de vous apporter les informations les plus importantes de l'actualité mondiale. Alors, voilà quoi, j'y suis. Ça a fait aussi du bien de prendre une petite pause, mais je vais vous dire que ça me démangeait de revenir en onde et puis vous parler de toutes ces nouvelles qui sortent l'une après l'autre. Et puis, les dossiers assez chauds, assez brûlants, je dirais même comme BP. Alors, on croirait que ce dossier est réglé comme l'administration Obama et puis BP l'ont déclaré dans les médias. Alors qu'en fait, cette situation est loin d'être terminée. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais en parler ici durant l'émission. Et vous allez aussi avoir le plaisir la semaine prochaine de lire un article assez important sur ce dossier. On vous a présenté, je dirais, une grande illusion dans les médias. Alors, vous avez BP qui vous a fait à croire qu'on a finalement colmaté cette fuite, ce puits. Et puis, nous sommes en face, en réalité, d'une des plus grandes fraudes de l'histoire. Alors, vous allez comprendre où je veux en venir avec tout ça un peu plus tard dans l'émission. Avant, on va déjà parler un peu de l'actualité. On va parler de l'économie sommairement. Là, il y a des choses, on pourra pas tout faire le tour du dossier de l'économie, mais en tout cas, je vais essayer de vous passer les nouvelles les plus importantes là des dernières semaines et de différentes affaires d'actualité mondiale, les médias et un paquet de trucs comme ça. Alors, restez à l'écoute là. On va être ici nous pour une heure et demie. Là, on va revenir au format normal de l'émission d'une heure et demie alors que je suis à l'étranger. Donc, un plaisir de vous avoir à l'écoute. J'ai eu de nombreux courriels qui se demandaient, en fait, de personnes qui se demandaient qu'est-ce qui arrivait avec l'émission. Alors, vous n'avez pas rêvé. Ça a été bel et bien une pause ici. Là, ça me prend un certain temps là, avant de remettre les pieds sur terre, là, de me remettre du décalage horaire et puis de me remettre dans mon horaire normal aussi de travail. Alors, voilà. Donc, tout ça est fait et puis je serai avec vous et puis on ne se quitte pas là pour plusieurs mois. Alors, donc, allons-y. On va commencer d'abord en parlant des médias. Vous avez plusieurs trucs qui sont reliés avec ça. dans l'actualité des dernières semaines. Et puis, vous avez ici des sondages qui ont été faits par Gallup. Alors, c'est une maison de sondage assez importante en Amérique. Et on parle ici de la confiance des Américains en les réseaux télévisés, en la télévision, les nouvelles en réalité télévisées, qui sont à un niveau record très bas. Bon, on parle ici, vous allez voir un petit graphique là, depuis 1990 avec les indices de confiance des Américains, autant dans les journaux que dans les nouvelles télévisées. Et puis, vous allez vous rendre compte que ben, cet indice de confiance baisse et puis a finalement atteint des records de bassesse, devrais-je dire. Alors, ben oui, en réalité, ce qui arrive, c'est que les gens perdent confiance et puis vous avez une baisse continue depuis à peu près les années 2003. Autant dans les nouvelles, comme je vous disais, les nouvelles télévisées que les journaux. On parle ici de 25% seulement des Américains qui disent avoir une grande confiance ou une assez bonne confiance en ces médias, en fait, envers ces nouvelles des médias traditionnels. Et puis, on se demande un peu pourquoi que cette baisse a commencé en réalité vers les années 2003. Et ce qui arrive, c'est que vous devez comprendre que les médias corporatifs ont menti de façon éhontée, autant au peuple américain que canadien, puis au reste de la planète, pour vendre une guerre en réalité qui était illégale, une guerre qui était basée sur un paquet de mensonges absolus. En réalité, vous avez même une compilation de 835 mensonges officiellement qui a été faite de Bush, OK? Donc, vous avez ces gens-là qui ont utilisé des mensonges. On a manipulé les informations consciemment, volontairement. Alors, ce ne sont pas des erreurs. Ça fait des années ici que je vous le répète sur l'émission. Alors, rien de nouveau sous le soleil ici. Donc, vous savez, à ce moment-là, vous avez plusieurs personnes qui, avec le temps, se sont rendues compte qu'on nous ment carrément, là, je veux dire, dans les médias, autant de papier qu'électronique et télévisé, provenant des sources traditionnelles, donc de ce qu'on appelle des médias de masse. Et puis, depuis ce temps-là, ben, on est en baisse continue et ça rapporte aussi avec ça. Et puis, vous devez comprendre que vous avez encore ces maudits médias-là qui continuent d'essayer de nous vendre des nouvelles guerres, cette fois-ci contre l'Iran, basées sur des mensonges, des guerres qui sont là pour neutraliser une autre menace existentielle d'Israël dans la région. J'ai nommé l'Iran. Alors, vous voyez, l'histoire se répète et puis ne s'améliore pas. On dirait qu'en fait, elle devient de pire en pire. Alors, ça, c'est une nouvelle assez importante. Vous avez aussi la FCC. Ça, c'est une nouvelle qui vient de Associated Press, où on apprend que la FCC aux États-Unis, qui se trouve à être la Federal Communications Commission, qui se trouve à être l'institution qui gère les communications aux États-Unis. Et vous avez les régulateurs fédéraux aux États-Unis qui ont abandonné leur effort de négocier un compromis sur ce qu'on appelle la neutralité de l'Internet. On essaie de mettre en place certains règlements pour finalement assurer que les compagnies de téléphone et de télévision, de câble, ne peuvent pas discriminer contre, en fait, le trafic Internet sur leur ligne. Alors, ce qu'on essaie de faire par rapport à ces grandes compagnies-là, vous avez Google, vous avez Verizon, qui sont des grandes compagnies, Verizon, si vous voulez que je le prononce en français. Alors, vous avez ces grandes compagnies-là qui essaient de faire en sorte qu'on va avoir un Internet à deux vitesses. Alors, ce n'est pas non plus la première fois que je vous parle de ça ici sur l'émission. On essaie de faire en sorte que cet Internet numéro 2 se mettre en place avec un certain pouvoir qui va être entre les mains de des géants comme Google et Verizon, qui à ce moment-là auraient le pouvoir de décider quel site et quel type d'information, surtout quel site en réalité aurait plus de vitesse et quel site en aurait moins. Alors, pouvez-vous attendre à ce moment-là ce que les petits blogueurs qui sont un peu l'épine dans le talon, si vous voulez, là, le talon d'Achille, hein, donc. Des grands, des médias, de l'élite, des politiciens soient en fait relégués à une vitesse moindre, alors vers des lignes. Alors vous auriez à ce moment-là des lignes plus rapides et des lignes plus lentes. Et ben c'est vers ça qu'on essaie de tendre. Et puis même, je dirais même plus, on essaie aussi de faire en sorte que on privatise d'une certaine façon l'Internet. dans le sens où vous voudriez ouvrir un blog, vous devriez demander la permission, soumettre le contenu que vous voulez traiter sur votre blog, et puis à ce moment-là, on l'approuve ou on ne l'approuve pas. Alors, vous voyez que ça fait quand même quelques années là, que ces grands géants-là travaillent sur ce dossier-là. Et puis là, vous avez eu une nouvelle ici, une annonce qui a été faite la semaine passée, si je ne me trompe pas, par la FCC, qui met fin à des semaines de pourparlers pour essayer d'arriver à des accords, okay, pour faire en sorte que justement ces compagnies-là de câbles et d'Internet et puis de téléphone en arrivent à des accords justement pour qu'on assure cette neutralité du net-là. Et puis là, ce qui arrive, c'est que vous avez ces deux grosses compagnies, ces deux géants. Alors, vous avez Verizon Communications Incorporée, puis Google Incorporée, qui vont essayer à ce moment-là d'en arriver avec leur propre proposition pour ensuite réguler le trafic sur Internet de la façon qu'ils le veulent. Alors, ça, c'est évidemment des trucs à surveiller. Ça fait quand même, comme je vous disais, là, plusieurs mois, ce n'est pas des années, que ici, à l'autre monde, on vous dit que l'Internet et puis la façon que ça fonctionne, la neutralité du net est menacée par ces géants-là et puis par quand même plusieurs qui ont intérêt à ce que l'Internet soit contrôlé par soit des compagnies privées ou même par des pouvoirs politiques, comme ça s'est mis en place autant en France avec la loi Adopi. Vous avez aussi en Australie où vous avez eu des lois qui ont fait en sorte qu'on a banni une série de sites. Alors, on dit bien sûr vouloir combattre la pornographie infantile et puis toutes sortes de dossiers comme ça. Et en réalité, on embarque dans ces sacs, ces très grands, larges sacs, toutes sortes de blogs et puis de sources d'informations qui font pas l'affaire au pouvoir en place et puis à ces grandes compagnies-là. Alors, allez voir ça. Vous avez une autre nouvelle assez incroyable qui a été sortie, qui a été publiée cette semaine. En fait, c'est sorti sur les médias télévisés aux États-Unis, où on a appris que des documents nouvellement déclassifiés ont mis en lumière comment que le lobby israélien a de façon routinière payé des journalistes et puis des médias corporatifs américains pour écrire de la propagande pro-sioniste. Qui est en soutien avec en fait le pouvoir en place en Israël et qui à ce moment-là aussi soutient les agressions israéliennes contre la Palestine et l'Iran durant les années 60. OK, alors vous avez ici là comme je vous disais, des documents qui ont été déclassifiés. Alors, c'est de sources officielles. Et puis, vous avez, bon, justement, dans ces documents-là, on a nommé différents documents qui montrent qu'il y a eu une complicité. On parle de pot de vin, on parle de contrôle, de manipulation des histoires, en fait, de ce qu'on écrit dans ces journaux-là. Et puis, ça, c'est assez important aussi dans le contexte en ce moment où justement on essaye de vendre une guerre, où Israël essaye de vendre une guerre contre l'Iran. Alors, si vous allez voir les nouvelles sur Internet, autant que dans les médias de masse, vous allez voir que dans les derniers mois, si vous collectionnez le nombre de nouvelles qui ont été directement publiées par des médias israéliens ou ben non, qui sont de sources du gouvernement israélien, vous allez voir une quantité incroyable. Je parle de des dizaines, c'est pas des centaines de nouvelles qui essayent de nous vendre cette guerre contre l'Iran. Alors, on va essayer d'y revenir aussi sur ce dossier-là un peu plus tard dans l'émission. Alors, on a appris dans ce dossier-là qu'Israël a dépensé 36 millions de dollars. Alors, ça, c'est ce qui est connu, là. Je veux dire, c'est la pointe de l'iceberg. Mais on a découvert que Israël a bel et bien dépensé 36 millions de dollars pour acheter ce qu'on appelle finalement des prostituées. OK, pas des prostituées, mais des prostituées. Alors, finalement, c'est des putes des journaux qu'on achète. Alors, de ABC, CNN, BBC, CBC. Ben, écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on a acheté des journaux, et puis c'est pas des affaires qui sont vraiment nouvelles, là. Vous avez eu différents scandales qui ont éclaté comme ça, même à l'intérieur des États-Unis. Vous avez eu des agents de la CIA qui étaient aussi lourdement impliqués dans un projet qui s'appelait Mockingbird, dans lequel Évidemment, la CIA s'était fait prendre à voir placer plusieurs de ses agents dans des grandes chaînes médiatiques, alors des grandes boîtes de médias. On avait des gens qui étaient payés là, même que vous avez une citation de Philip Graham, qui était l'ancien éditeur du Washington Post, qui parlait, qui disait qu'on pouvait acheter à ce moment-là un journaliste. En fait, qu'un journaliste était même moins cher qu'une bonne call girl, alors qu'une prostituée. On avait juste besoin de payer environ 200 $ par mois pour acheter un journaliste, et puis à ce moment-là, pelleter sa propagande dans les journaux. Alors, c'est ça. Ben oui, c'est pour ça que, en fin de compte, les gens finissent par perdre confiance dans ces médias de masse, et puis vous voyez ensuite la montée fulgurante de l'Internet et puis des médias alternatifs. Alors, tout ça s'explique dans le fait que, justement, on nous a menti pendant des décennies, on nous a manipulés, on nous a pelleté de la propagande en pleine bouche comme ça. Et puis, on s'est fait avoir un paquet d'affaires. Et puis, ça continue aujourd'hui, hein. Alors, on parle des années 60 et ces années 70, mais ça continue de plus belle aujourd'hui. C'est pas encore pire aujourd'hui. Alors, allez voir ça. Vous avez plusieurs nouvelles, des vidéos, des dossiers qui ont été déclassifiés aux États-Unis, qui ont révélé justement ces relations publiques et puis ces activités de lobbying d'Israël à l'intérieur des États-Unis. Alors, ça a été rendu public avec des documents de la National Archive. Suivant une enquête du Sénat. Alors, c'est très intéressant. Alors, on voit justement comment qu'on nous ment. Et puis, ces documents-là, il n'y a pas à dire, comme je vous disais, c'est des documents officiels. Alors, il n'y a pas d'histoire de théorie ou ben non, de voir des conspirations là-dedans ou d'être antisémite ou quoi que ce soit, c'est la réalité. Vous avez ensuite ici un article qui est écrit par Gilad Adzmon. Qui est un juif qui habite en Angleterre, OK? Et puis ça a été rapporté aussi ça a été rapporté sur Internet, et puis lui, il cite un article du Guardian d'Angleterre dans lequel on parle de deux groupes israéliens qui ont mis en place des cours d'entraînement. Alors on entraîne en réalité des gens, surtout des Israéliens en réalité. Pour éditer les pages de Wikipédia. Alors, on est en train carrément de mettre sur place, là, en mettre en place des cours. Vous avez des vidéos aussi qui existent là-dessus. Alors, vous voyez des gens sont en train de suivre le cours pour que ces gens-là ensuite aillent sur Wikipédia et puis modifient les entrées qui sont là quand ça ne fait pas l'affaire justement des pouvoirs en place israéliens ou du lobby israélien. Alors, peu importe que ça soit vrai ou pas, évidemment, eux autres, ils vont dire que c'est tout des vidanges. Tout ce qui est dit, qui est critique d'Israël, pour eux, c'est de l'antisémitisme et puis on dit que finalement, c'est des mensonges et puis quoi que ce soit. Alors, on entraîne carrément des gens. On appelle ça des activités de subversion en réalité, OK? Vous devez comprendre là, avec les vrais termes qu'est-ce que c'est. C'est des activités subversives. Sauf qu'on place ça sous la rubrique finalement de des cours d'entraînement, des cours pour éditer les entrées, les informations qui se retrouvent sur Wikipédia. Alors, si vous pensez trouver des informations qui sont juste sur ce site-là, ben là, vous avez peut-être des questions à vous poser. Et vous avez surtout aussi des questions à vous poser par rapport à ce que ces groupes-là israéliens font. Alors, vous vous rendez compte là, que même ça a été, comme je disais, publié dans le Guardian. Et on essaie de finalement aller autour de l'Internet comme ça et puis de changer les données, d'essayer de carrément faire de la propagande, de manipuler la réalité pour vous faire à croire qu'Israël ne fait absolument rien de mal. C'est pas qu'Israël est absolument le mal ou quoi que ce soit, ou absolument le bien. Tout est dans la question de ses actes, de ce comportement, de ce qu'elle fait. Alors, c'est là que le problème est. Alors, si Israël ne veut pas qu'on parle, qu'on critique ses actions, alors ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme ou quoi que ce soit d'autre. C'est une question de suivre la loi ou pas. Je veux dire, vous comprenez là qu'Israël commet un paquet d'actes qui sont carrément hors la loi, qui sont contre la loi internationale et qui sont carrément immorales. Et autant tout ce longtemps qu'Israël va s'adonner à des actes comme ça, à des activités et puis à des politiques extérieures de la sorte, eh bien, elle va devoir s'attendre à ce que les critiques soient contre elle aussi. Alors, c'est quelque chose qui est normal. Alors, vous avez seulement un seul pays sur la planète qui n'est pas capable de prendre la critique, et puis c'est cet État. Et c'est comme ça qu'on deal avec la réalité. Alors, pour eux autres, au lieu de se conformer à la loi internationale et puis d'adopter des politiques internationales qui soient légales et puis morales, final, eh bien, on essaye de changer la réalité et puis de justement de manipuler les données comme ça sur Internet. Alors, allez voir ça, vous avez des vidéos. Israël qui déclare son intention de contrôler tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, puis tout ce que vous lisez sur l'Internet. Alors voilà l'État totalitaire vraiment assez incroyable. On a l'impression de retourner finalement là à l'Union soviétique. Là, je veux dire, c'est complètement débile. Vous avez WikiLeaks aussi. WikiLeaks, on en a parlé un peu avant de partir là en vacances cet été. WikiLeaks, qui au début semblait publier des nouvelles, en fait des fuites d'informations importantes. Et puis la vérité commence à sortir par rapport à WikiLeaks. Vous avez, il y a un an, ce site-là qui a été fondé par un gars qui s'appelle Julian Assange. Assange, en fait, on dit Julian Assange, là, il y a un nom, une façon de prononcer, mais ce site-là, il y a un an, disait qu'il était pour faire, finalement, il n'avait pas assez d'argent, il était sur le bord de fermer quasiment, il était sur le bord de la banqueroute, il n'avait absolument pas d'argent, et puis on se retrouve un an plus tard avec soudainement ce site-là qui a réussi à retrouver dans ses coffres 1 million de dollars, et puis on apprend dans cette nouvelle ici du Wall Street Journal. Donc, vous voyez que ça ne vient pas quand même de nulle part non plus, là, du Wall Street Journal, là, c'est quand même une source très importante. Et puis, on apprend ici que WikiLeaks garde secret d'où viennent ces rentrées d'argent-là. Alors, vous avez, il y a un an, WikiLeaks n'avait pas une scène dans ses coffres, et puis, boum, tout d'un coup, un an plus tard, on se retrouve avec 1 million de dollars dans ses coffres. Alors, voilà qui est assez curieux, surtout qu'on ne veut pas dire d'où vient cet argent. Et puis, il commence à avoir des doutes à savoir pourquoi que WikiLeaks relâchait de l'information qui commençait à être un peu discutable. Alors, vous avez justement ce fondateur, Julian Assange, qui finalement est sorti sur la place publique en disant que, bon, le mouvement du 9-1-1 avait pas rapport finalement, que c'est une affaire sans importance. Et puis là, on a une histoire qui est sortie dernièrement, qui vient du WikiLeaks, aussi, qui disait que finalement, Osama Bin Laden est encore vivant. Alors, Osama Bin Laden, chers auditeurs, est décédé il y a très longtemps, là. On parle il y a au moins 8-9 ans. Ça a même été. J'en ai souvent parlé sur l'émission, je suis tanné d'en parler. Là. Écoutez, là, ça a été publié dans différents journaux du Moyen-Orient. Ça a été révélé par différentes sources. Ça a été publié dans des journaux. Il est décédé, il est enterré. Ça fait très, très longtemps, là. Je veux dire, essayez d'oublier ça, là. Je veux dire, cette personne-là, de WikiLeaks, ne sait pas encore ça. Alors, voyez, là, que ce moment-là, on commence à se poser des questions, à savoir pourquoi WikiLeaks commence à arriver à contre-courant, puis à dénier les affaires du 9-1-1, et puis de Bin Laden. Et puis, on s'entraîne de se rendre compte que peut-être que WikiLeaks travaille pour les intérêts des services secrets. Et finalement, là, vous avez eu un genre d'histoire aussi la semaine passée où justement le fondateur de WikiLeaks a été accusé de viol d'enfant. Cette nouvelle-là, apparemment, proviendrait du Pentagone. Et puis là, quelques jours plus tard, cette nouvelle-là a été retirée. Alors, on est en train de vouloir peindre ce fondateur de WikiLeaks en victime. Alors, vous voyez qu'il y a des affaires très, très louches là, derrière ça. Et il y a tout lieu de se poser des questions par rapport à la légitimité et puis la valeur finalement de ce site-là et puis de ce qui est relâché comme information parce que ça semble servir les intérêts des services secrets du Pentagone et puis du MI5. Alors, allez voir ça, c'est des nouvelles assez intéressantes. Vous avez aussi cette histoire, cette comédie américaine incroyable, on l'appelle l'affaire de la mosquée. Vous avez sûrement entendu parler de ça, ce pseudo-scandale de vouloir construire une mosquée sur Ground Zero, alors sur l'île de Manhattan, le lieu où les World Trade Center. Le World Trade Center se sont écroulés suite aux attaques du 9-1-1. Alors, apparemment qu'on aurait un scandale par rapport à ça. C'est incroyable. On ne peut pas construire de mosquée là, blablabla. Alors, un autre faux débat. Donc, on essaye de détourner votre attention sur les enjeux principaux, surtout que vous devez savoir qu'il pourrait y avoir des élections de mi-terme aux États-Unis. Alors, on a l'impression que On a l'impression que là, on essaie de détourner l'attention des Américains, des enjeux les plus importants, soit de l'économie, des guerres qu'Obama n'a pas encore fermées, n'a pas encore terminées, des scandales de la torture qui continuent de se propager aux États-Unis. Alors, voyez là, un paquet d'affaires comme ça qui commence à sortir dans les médias, des faux scandales de race, alors des faux conflits, toutes sortes d'affaires comme ça qu'on va essayer de vous pelleter dans les médias. Regardez bien ça. Soyez très vigilants. Cette histoire de mosquée-là n'a aucun sens, là. Je veux dire, premièrement, cette mosquée-là n'a rien à voir avec. En fait, ce n'est même pas une mosquée. C'est un centre culturel islamique dans lequel on aurait une chambre de prière. Alors, déjà là, ça n'a aucun rapport. Ensuite, ce centre culturel islamique ne sera même pas construit sur le site même de Ground Zero, mais à quelques blocs de là. Alors, toutes sortes d'affaires qui n'ont aucun sens, là. Je veux dire, allez voir ça. Vous avez une nouvelle ici qui parle que le fameux imam de cette mosquée-là est un membre du groupe ultra-élitiste du Council on Foreign Relations, du CFR, imaginez-vous donc, et puis a reçu un support financier de puissants globalistes comme les Rockefeller, puis la Carnegie Corporation, puis la Ford Foundation. Alors, voyez ici là, un peu là, ce qui se passe par rapport à ces choses-là. Ne vous laissez pas embarquer dans des faux débats comme ça, c'est complètement débile. Alors, allez voir ça, ces informations-là. Je vous dis, allez voir ça. Pour ceux qui ne savent pas encore, toutes les informations dont je discute ici sont disponibles sur le site Les Nouvelles Internationales. Alors, faites une petite recherche, Les Nouvelles Internationales. C'est aussi en lien sur la page officielle de L'Autre Monde sur le site de Choc FM. Alors, allez voir ça, le CFR, qui est une organisation aussi hautement sioniste. Et puis, on essaie de vous garrocher, comme je vous disais, des faux débats comme ça dans la figure. Alors, ne vous laissez pas avoir, OK? Vous avez aussi une mosquée en Floride qui a été sujet d'une attaque à la bombe. On a appelé le FBI pour de l'aide. Et puis, vous avez les médias nationaux aux États-Unis qui sont complètement silencieux par rapport à ça. Pourquoi? Ben, imaginez si vous aviez eu quelqu'un qui aurait attaqué une synagogue aux États-Unis. Alors, on aurait fait un scandale incroyable. Je veux dire, ça, c'est certain. On s'aurait tiré les cheveux de sa tête et puis on aurait crié au meurtre pendant une semaine dans les médias. Alors que là, on a eu un homme de race blanche qui a apporté cette bombe dans cette mosquée. Et ça a fait des dégâts assez importants. Ça aurait même pu tuer des personnes heureuses. Heureusement, personne n'a été blessé ni tué. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Si vous faites une recherche Google, vous allez voir que les grands médias, les médias principaux comme Fox, CNN, MSNBC puis CBS n'ont absolument rien, mais absolument rien rapporté de cet événement-là. Alors, voyez là, justement, en plus, les doubles standards, les deux poids, deux mesures dans les médias. Alors, on fait un scandale de cette supposée mosquée qui est un centre culturel islamique sur Ground Zero. Après ça, vous avez un blanc qui lance une bombe dans une mosquée en Floride et puis personne n'en parle. Alors, voilà, on essaie ici de justement d'y voir plus clair dans cette jungle informationnelle et puis en espérant que cela vous est utile. Ensuite, on parle ici d'un article du Daily Mail qui vient de l'Angleterre où on parle d'un nouveau software, alors un programme informatique qui sert, lui, à reconnaître les visages sur Internet. Alors, on a mis au point ici un programme informatique qui sert finalement à identifier une personne par des images d'elle, des photos qu'on retrouve sur Internet avec des photos d'un individu qu'on a dans des dossiers. Alors, si on, mettons, si vous avez le FBI ou ben non, Google ou le gouvernement qui possède une de vos photos qui est identifiée, peut aller sur Internet avec ce programme-là et puis aller chercher toutes vos photos qui sont partout sur tous les sites. Les sites de ce qu'on appelle sociaux, alors de networking, de réseautage sociaux, OK, donc comme Facebook, toutes ces affaires-là. Alors, on est capable à ce moment-là d'arriver avec une photo, de dire, c'est qui cette personne-là, que là qu'on met le programme. Et puis, on est capable, à ce moment-là, de faire des liens en va dans cette photo qu'on trouve sur Internet et celle qu'on a dans vos dossiers qui s'est identifiée. Et puis, à ce moment-là, monter des dossiers complets sur vous, vous identifier et puis même, à ce moment-là, faire des connexions avec qui vous vous tenez et quoi que ce soit. Alors, évidemment, une autre attaque qui est portée directement à votre vie privée. Ça, c'est très grave. Allez voir ça, un article du Daily Mail. Ensuite, un article ici que j'ai trouvé sur mondialisation.ca le 10 août dernier, qui vient aussi de Canadiens pour la justice et paix au Moyen-Orient. On parle des détails de l'enquête du SCRS, alors qui se trouve être justement les services canadiens du renseignement de sécurité. sur l'influence étrangère toujours retenue. Alors, vous savez, ici au Canada, on a eu un genre de mini-scandale où c'est qu'on a eu le directeur justement du SCRS, Richard Fadden, qui s'est prononcé sur l'influence étrangère à l'égard des politiciens canadiens, alors sur l'influence de certains pays, en parenthèse, qui auraient une influence indue justement sur les politiciens canadiens. Alors, vous avez les médias qui ont mis l'accent sur la Chine comme une source d'influence inappropriée. Alors que Fanon a indiqué qu'au moins 5 pays, dont la Chine et des nations du Moyen-Orient, sont impliqués. M. Fanon n'a pas précisé de quel pays du Moyen-Orient il s'agissait. La réserve du gouvernement, à cet égard, pourrait indiquer qu'Israël, envers lequel le gouvernement Harper a manifesté un soutien inconditionnel et résolu, est parmi les pays du Moyen-Orient qui, selon les enquêtes du SCRS, influencent indûment les politiciens du Canada. Alors, ça aussi, c'est un dossier chaud sur lequel on se penche ici sur l'autre monde. Les médias n'aiment pas toucher à ça parce que dès qu'on touche à Israël, puis l'influence qu'ils ont, les lobbies, ben, on se fait traiter d'antisémites et puis d'anti-Israël, blablabla. Alors, écoutez, là, à un moment donné, faut sortir la tête du sable pour regarder les affaires en face. Alors, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Bangladesh, la Russie ou la Chine, je veux dire, faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est la Chine, on parlait de la Chine. Alors, c'est l'Israël, on parlait d'Israël. OK? Alors, dans ses commentaires, Fadden s'est exprimé au sujet de l'influence étrangère exercée par l'entremise des clubs universitaires et sociaux. Et puis là, on était aussi, et je cite, vous payez pour leur voyage et quand un événement se produit qui est d'intérêt particulier pour le pays X, vous appelez ou vous demandez à la personne d'adopter une vue particulière. Alors, c'est comme ça. Alors, on donne des petits cadeaux, on arrive par-ci par-là, on donne un peu d'argent, on fait voyager. Puis après ça, ben, quand on a une faveur, hein, mettons que là, vous avez Israël qui arrive et puis attaque la flottille de la liberté. Alors, on appelle les gens, on dit, hey, écoutez, vous aimeriez ça pas avoir de mauvaise publicité à propos de ça. Écoutez, on vient d'exécuter 9 personnes à bout portant, une flottille de la liberté. En eau internationale, ça paraît pas bien. Pouvez-vous, tu sais, mettre un peu d'eau dans votre vin puis essayer de changer un peu la donne pour que, hein, on ne nous critique pas trop. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Vous avez ici des gens des services secrets qui en parlent. Encore là, c'est pas d'histoire d'antisémites ou ben non de théoriciens de la conspiration. Vous voyez que ça vient du directeur même des services secrets canadiens. Alors, voilà comment que les choses fonctionnent. Et puis, ça fonctionne comme ça dans à peu près tous les pays occidentaux. On parle des États-Unis, le Canada, l'Australie, la France, etc., etc. OK? Alors, voilà. Donc, actuellement, les clubs Hillel, ça, c'est des clubs, justement, qui ont finalement des liens avec Israël, OK? Donc, ils fonctionnent sur la plupart des campus canadiens. Et leur mandat inclut explicitement le plaidoyer en faveur d'Israël et la promotion de l'identification des étudiants juifs avec Israël. Les opportunités de voyage de 2 semaines en Israël, tout frais payés, sont également mises à la disposition des étudiants. Alors voilà, c'est comme ça qu'on vient acheter les gens. Un processus similaire est en place auprès des députés fédéraux et législateurs provinciaux. Le Comité Canada-Israël subventionne des voyages en Israël pour les députés fédéraux et les législateurs provinciaux depuis des décennies. Canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient est préoccupé par l'influence exercée par Israël et le Comité Canada-Israël sur les politiciens fédéraux grâce à des voyages subventionnés et possiblement d'autres moyens. Alors ici, on cite, nous exhortons le gouvernement à divulguer immédiatement les pays qui, selon le SCRS, exercent une influence indue et les moyens par lesquels ils le font. Fin de la citation, explique le président du CJPMO, alors Thomas Woodley. Comme le souligne le journaliste de la CBC, Brian Stewart, les voyages subventionnés par les gouvernements étrangers sont, et je cite soigneusement, planifiés, souvent par l'organe du renseignement du pays hôte. Fin de la citation. Alors, vous avez la CJPMO qui estime que la politique canadienne devrait être modelée sur le respect du droit international et craint que la politique canadienne du Moyen-Orient soit biaisée en raison du type d'influence décrit par Fadden. Alors, je dis biaisée, il semble, craint, alors je vous dis non, non. La politique extérieure du Canada est fortement biaisé par rapport à ce qui se passe, surtout au niveau d'Israël et de la Palestine. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Là. C'est pas on craint, là, je veux dire. Okay? Selon le commissaire fédéral à l'éthique, le Comité Canada-Israël a payé plus de 160 000 $ pour différents voyages d'une semaine en Israël effectués par 14 députés durant la seule année de 2009. Le Comité Canada-Israël a subventionné un voyage pour 7 députés en juillet 2010. Les députés conservateurs John Duncan, Jeff Jeff Watson, Edward Fast et Brent Radgeber, les députés libéraux Scott Sims et Anthony Rota et le député néo-démocrate Glenn Thibault ont participé à ces fameux programmes d'achetage de politiciens. Right? Aucune autre nation du Moyen-Orient n'a accueilli autant de députés pour des déplacements si fréquents et si coûteux. Okay? C'est pas la Palestine qui a invité ces gens-là, c'est pas le Liban, ni la Syrie, ni l'Iran, ni aucun autre pays. Arrêtez de faire des histoires là-dessus, là. Je veux dire, il n'y a pas trop d'erreurs à savoir c'est quel pays au Moyen-Orient qui influence la politique étrangère aux États-Unis, au Canada, ben, aux États-Unis aussi d'ailleurs. Ok, alors on continue. Vous avez une nouvelle ici justement pour montrer comment les médias fonctionnent, comment que c'est plein de marde et de bullshit. Alors, vous avez les médias qui ont publié une nouvelle cette semaine. Qui s'appelait, en anglais, je vais vous le lire, ça s'appelait « Oil spill and Iraq combat over, Obama takes a break ». Alors, grosso modo, là, en français, ça veut dire le déversement de pétrole et puis les combats en Irak sont terminés, Obama peut prendre une pause. Alors, voyez un peu la genre de nouvelles complètement arrogante. Pourquoi je dis arrogante? Ben parce que, premièrement, comme vous allez voir un peu plus tard dans l'émission, le déversement de pétrole, il est loin d'être terminé. On a loin d'avoir terminé de ramasser tous les dégâts et puis d'avoir complété tout le nettoyage. Alors, il n'y a absolument rien de terminé avec ça. Et puis, vous avez aussi cette fameuse fanfaronnade, cette fameuse parade de menterie de propagande qu'on vous a passé la semaine passée en disant que là, les opérations de combat en Irak sont terminées. On est prêt à retirer les troupes, blablabla, commencer à jouer le violon, et puis voilà quoi. Alors, vous avez Obama qui, comme je disais, se prépare aux prochaines élections aux États-Unis, les élections de mi-terme. Et puis, on essaie de faire en sorte que là, on voit le monde avec des lunettes roses. Hein? Tout est beau, tout est parfait, on balaye toute la caca en dessous du tapis comme ça, on prétend qu'il n'y a rien qui se passe, tout est parfait, regardez comment qu'on est beau, comment qu'on reluit au soleil, fantastique, on est blanc comme neige. Alors, arrogance totale, et puis Obama qui peut prendre une pause. Alors, on s'est aperçu que c'était peut-être un peu trop arrogant. Et puis là, d'une façon bien orwellienne, dans les heures qui ont suivi la publication de cet article-là, vous avez les médias qui l'ont retiré. Alors, on a retiré cet article-là, et puis on a changé le titre. Alors, comment qu'on sait ça? Ben parce que vous avez Google, heureusement, qui a des caches, OK? Et puis, on peut retrouver dans les caches de Google le titre original, et puis on se rend compte, justement, comment qu'on manipule les nouvelles, OK? Je veux dire, alors, c'est incroyable. Alors, vous voyez, on essaie, évidemment, de orwelliser les nouvelles, OK? C'est carrément ce qui se passe. Alors, si vous pensez que vous avez des nouvelles justes, balancées et objectives dans les médias de masse, ben faites attention. Alors, voyez comment qu'on manipule même les titres. Aujourd'hui en 2010, OK? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Alors, vous devez comprendre que le désastre pétrolier est loin d'être terminé. C'est encore un désastre. Et puis, vous avez encore 52 000 troupes américaines qui demeurent en Irak. OK? Voilà un peu pourquoi on s'est aperçu que cette nouvelle avait porté un titre quelque peu arrogant. Hein? Donc, voilà. Alors, allez voir ça. Allez voir ça, vous allez trouver différentes nouvelles. Vous avez cette histoire aussi assez importante de la Philadelphie. Alors, en Philadelphie, aux États-Unis, où on s'apprête à vouloir charger des bloggers. Alors, ici, vous avez carrément une dame qui s'appelle Marilyn Bess, qui opère un petit blog, réellement, avec pas beaucoup de trafic. La dame a réussi, au travers les années, a réussi. Écoutez, là, je veux dire, en quelque part, les gens, des fois, donnent des petites donations par-ci, par-là. Et puis, au travers des années, avec son petit blog, la dame a réussi à faire 50 $. Alors, ça, comme je vous dis, là, ça a pris des années. C'est pour ça que je prends la peine de vous le dire deux, trois fois, là, pour faire 50 $. Comme un peu, comme je vous disais un peu plus tôt dans l'émission, la tentative est de faire en sorte que on va privatiser l'Internet. On va faire en sorte que, justement, les petits bloggers qui sont une épine dans la dorsale des grands médias, une épine dans l'agenda de l'élite et puis des politiciens. On va essayer de faire en sorte que ces gens-là soient plus capables de bloguer, soient plus capables d'aller sur Internet gratuitement et puis publier leurs nouvelles et puis apporter leurs critiques de façon gratuite à tout le monde. Alors, vous avez la ville de Philadelphie ici qui s'apprête à charger cette dame 300 $ pour des privilèges de bloguer. Alors, voilà, 300 $. Ça, c'est, on dit que c'est un prix pour une licence de business, alors une licence de privilège pour opérer en parenthèse une business, alors que ça n'a rien à voir qu'une business à 50 $. Si vous voulez aller avec ça, ou vous voulez aller avec 50 $ qui a été faite sur quelques années, imaginez. Alors, aucun bon sens, je veux dire. Alors, un autre exemple de ça, attendez-vous à de plus en plus de nouvelles de ce type-là. On va essayer justement de faire en sorte que pour avoir un petit blog, vous devez dépenser beaucoup d'argent, demander des permissions, des licences. Vous avez carrément demandé permission au gouvernement, puis à des compagnies privées, et puis ensuite ouvrez votre blog. En tout cas, vous voyez là un peu, là, on s'en va avec ça. Vous avez Vanunu, Mordecai Vanunu, qui a été relâché de prison encore une fois, et puis qui demande de quitter ce pays. Alors, c'est ce fameux délateur nucléaire israélien qui a rendu public le programme nucléaire militaire israélien. Alors, on l'avait remis en prison encore, cette personne-là, pour 11 semaines, pour avoir supposément brisé les termes de son relâchement. Et, ben écoutez, là, cette personne-là commence à être pas mal tannée, hein, je veux dire. Vanunu a été mis en prison en 1986 et puis a dépensé, a passé, dis-je, 10 ans de ses 18 dernières années en prison en confinement solitaire, OK? Alors, pour avoir révélé les secrets nucléaires d'Israël. Donc, c'est une personne qui est hautement haïe par ses pairs israéliens et puis surtout par le gouvernement pour avoir révélé la vérité sur le programme nucléaire militaire israélien et pour aussi s'être converti au christianisme. Alors, une nouvelle quand même assez importante. Et puis, surtout dans le contexte où on essaye de blâmer l'Iran d'avoir ou de vouloir développer un programme nucléaire militaire, alors que l'Iran essaye simplement de produire de l'électricité comme tous les autres pays occidentaux avec des installations nucléaires civiles. Vous avez maintenant la CBS News, qui admet maintenant qu'Israël a été depuis longtemps un pouvoir nucléaire. Alors, ça aussi, c'est une nouvelle très importante. Alors, CBS qui admet qu'Israël est un pouvoir nucléaire. Vous avez les nations arabes qui ont urgé, qui ont essayé de mettre de la pression, qui mettent de la pression, en fait, sur les États-Unis pour que, justement, ces derniers mettent fin à leur soutien au secret nucléaire israélien. Alors, bravo pour la Ligue arabe. C'est fantastique de voir que ces gens-là se mettent ensemble et puis, justement, essayent de porter à l'attention des gens ce grossier double standard, je veux dire, ce deux poids, deux mesures honteux où vous avez Israël qui pointe du doigt l'Iran pour son supposé programme nucléaire militaire, alors que c'est eux autres même qui possèdent des bombes nucléaires, un programme, un arsenal nucléaire depuis les années 60. Alors, vraiment une hypocrisie incroyable, je veux dire. Alors, voyons, alors voilà. Vous avez ici un autre article qui justement montre ce qu'on appelle une timeline. Alors, vous avez une genre d'historique, une historique à travers les années, en partant de 1945 jusqu'à 1998, sur les détonations nucléaires qui ont lieu dans le monde. On parle de 2053 tests nucléaires et puis explosions qui ont pris place entre 1945 et 1998. Imaginez, 2053 tests nucléaires. Mais ça, c'est pas grave, ça. Là, il faut blâmer l'Iran puis aller les attaquer, détruire le pays au complet, tuer des millions de personnes parce qu'eux autres, apparemment, qui veulent se faire une bombe nucléaire, absolument rien de prouvé, rien de documenté, que de la propagande totale. La même affaire qu'on nous a servi pour partir la guerre frauduleuse en Irak en 2003. On nous resserre les mêmes arguments frauduleux, mensongers, d'armes de destruction massive, d'armes nucléaires, alors qu'il n'y a absolument rien pour corroborer ça. Et ben voilà quoi. Alors on arrive avec ces mêmes histoires-là aujourd'hui où on essaie de vous vendre une guerre en essayant de vous diffuser les mêmes mensonges que le passé, puis les gens semblent absorber ça sans rouspéter. Alors, c'est incroyable. Donc, voilà, vous avez ensuite ici la USDA qui parle de manque de nourriture. Alors, on risque d'avoir certaines pénuries. Alors, ça, c'est un peu bizarre parce que d'un certain côté, vous avez des récoltes records de maïs, je me rappelle bien, de maïs ou de blé, mais je crois que c'est de maïs aux États-Unis. Vraiment, là, une augmentation assez fulgurante. Par contre, on parle dans d'autres catégories, des manques à gagner dans la production d'agriculture. Et puis, on indique ici que les prix de la nourriture vont continuer d'augmenter. Alors, effectivement, ça, c'est un fait. Au printemps dernier jusqu'au début de l'été, on a vu des augmentations assez substantielles des prix de la nourriture aux États-Unis. Alors, des hausses là, on parle ici de 2 à des fois jusqu'à 50 et même plus pour cent selon certains items dans les supermarchés. Alors, regardez ça aussi, gardez ça de près, c'est assez important. On parle ici d'une tempête parfaite qui risque de se déployer. Même aussi dans la chaîne alimentaire britannique. Alors, on est en train de se préparer pour une massive inflation dans les prix de la nourriture, autant en Angleterre qu'aux États-Unis. Donc, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au prix qui augmente énormément dans la nourriture pour les animaux. On parle de pénurie et puis de mauvaises récoltes qu'on a eues dans différentes régions. Alors, ça, c'est à garder à l'œil. Vous avez d'ailleurs aussi Poutine de la Russie qui a annoncé une halte de toutes les exportations de grains russes. Alors, ça a fait augmenter énormément aussi les prix sur justement les marchés mondiaux. Alors, vous avez la Russie qui, justement, vous savez, a eu des feux assez incroyables cet été. Des températures absolument asphyxiantes et puis ça a détruit des millions d'hectares de en fait de culture. Et puis là, la Russie ben, vient d'interdire l'exportation de plusieurs grains. Alors, évidemment que ça va faire augmenter les prix de la nourriture à travers le monde, ça c'est certain. Vous avez la Russie qui est le troisième exportateur de blé dans le monde, vous savez. Donc, ça, c'est aussi à surveiller. Vous avez des nouvelles très importantes là-dessus. Allez voir. Vous avez la saison justement des feux qui continuent en Russie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Alors, vous avez au-dessus de 10 000 feux de forêt là-bas qui se passent. Alors, on a quoi là au-dessus de à peu près 300 000 hectares de forêt qui ont été brûlés. Je veux dire, c'est des affaires assez spéciales. Une petite parenthèse, ben vite là-dessus, on se demande si c'est pas lié justement à l'histoire du golfe du Mexique. C'est une histoire qui est liée au jet stream en réalité. Vous devez comprendre ça, le jet stream qui sont les courants d'air, les courants atmosphériques. Et puis on se retrouve avec un genre de phénomène où vous avez un genre de couche d'air chaud qui est pris en sandwich et puis qui est vraiment stable, c'est-à-dire qui ne bouge pas et qui couvre à peu près tout le centre de la Russie en allant jusqu'au Japon. Alors, vous avez des chaleurs assez intenses au Japon et puis en Russie. Et puis, ces systèmes météorologiques-là ne semblent pas bouger. Alors, ça se trouve à être le jet stream qui a été un peu interrompu dans son processus. Et le jet stream est influencé par ce qui se passe justement dans l'Atlantique. Et puis l'Atlantique est influencé par ce qui se passe avec le Gulf Stream. Et puis le Gulf Stream, lui, ben, il est lié avec justement ce qui se passe dans le Golfe du Mexique. Alors ça reste à élucider, mais il y a aussi des choses à garder à l'œil de ce coin-là. Et puis, il ne serait pas non plus impossible que tout cela soit lié. Alors voilà. Vous avez des prospects de nouvelles guerres froides aussi entre l'Amérique et puis la Russie. Alors, vous avez l'Amérique qui menace la Russie d'une différente façon. Vous avez ce qu'on appelle des war games tout autour de la Russie. Les États-Unis qui sont en train d'avoir un gros build-up, sont en train de massivement amener des troupes et puis un arsenal d'armes autour de la frontière de la Russie. Ça a été confirmé par différentes sources militaires américaines. D'ailleurs, on dit que pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des soldats américains font des rotations régulières en Pologne. On est en train d'entraîner des forces polonaises pour utiliser justement des armes américaines comme les Patriot, les missiles Patriot. Alors ça a été publié dans le Stars and Stripes le 23 juillet 2010. Et vous avez différents déploiements qui se font là. Vous avez différentes aussi préparations. On appelle ça des jeux de guerre là. C'est-à-dire qu'on prépare différents scénarios. Et puis, on est en train de, comme je disais, d'accumuler d'énormes stocks d'armes dans cette région-là aussi, incluant le Moyen-Orient et puis l'Asie centrale et puis le Caucase. Alors, vous avez aussi d'ailleurs des mouvements sur la péninsule coréenne. Et on est en train de se demander justement si on n'est pas à croiser une croisée dangereuse de l'histoire mondiale où vous avez les États-Unis qui s'apprêtent justement à provoquer d'une certaine façon la Russie et puis la Chine. Alors, ça aussi, là, c'est assez inquiétant. Vous avez la Russie qui, de son côté, ben, n'est pas folle. Et puis d'ailleurs, la Russie vient d'annoncer, vous avez le département de la défense de la Russie qui a annoncé dans les médias qu'ils étaient pour augmenter leurs dépenses militaires de 60% d'ici 2013. OK? Alors, vous voyez là que justement, on est en train de revenir à une guerre froide. Et puis, qui profite de ça? Ben, c'est évidemment le secteur militaro-industriel, les manufacturiers d'armes qui, eux, se tapent dans le dos, sont bien contents, et on sabre le champagne et wouhou! La guerre froide est revenue. C'est extrêmement profitable pour le secteur privé, les manufacturiers d'armes, je dirais les manufacturiers de la mort. Okay? Ensuite, on a une petite nouvelle ici. Vous avez des scientifiques en fait, c'est des scientifiques informatiques qui, avec un programme et puis différentes observations très importantes et très intelligentes, devrais-je dire, se sont rendus compte, en fait, que dans la région, vous savez, ce fameux mystère du triangle des Bermudes, ça fait des décennies qu'on parle de ça, des bateaux qui auraient disparu, des navires, un peu tout comme ça. Alors, vous avez tout un mythe qui entoure ce fameux triangle des Bermudes. Et puis, on s'est rendu compte que vous avez des dépôts de méthane qui sont gelés à très grande pression. Alors, on appelle ça des hydrates, okay? Des hydrates de gaz qui sont incrustés dans le roc, okay? Sous l'océan, sous de très grandes pressions, et qui, de temps en temps, se délogent de là et puis se transforment en géantes bulles de gaz qui prennent de l'expansion de façon géométrique et puis qui explosent vers le haut, comme ça. Et lorsque ces bulles atteignent la surface de l'eau, eh bien, elles montent dans l'air et puis, toujours en prenant de l'expansion, font en sorte que tous les bateaux perdent leur flottabilité. Alors, ces bateaux-là coulent instantanément et puis peuvent même aussi, à ce moment-là, faire en sorte que les avions qui sont dans la région simplement tombent du ciel et puis sont absorbés dans l'océan. Alors, il n'y a pas d'histoire de troisième dimension, quatrième, cinquième, dixième dimension, whatever, dans cette histoire-là du triangle des Bermudes. Mais voilà une explication qui a bien du sens et puis qui semble expliquer beaucoup de choses. Allez voir ça, c'est quand même une nouvelle assez intéressante. Vous avez une autre nouvelle ici qui parle de 10 criminels qui ont été très populaires et qui ont été prouvés innocents après leur exécution. Alors, ça, c'est une petite nouvelle que je vous passe comme ça pour justement discuter une certaine chose dans un certain sens. C'est que la peine de mort, en réalité, n'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça arrive que des fois, ben, on tue ou ben non, on met en prison une personne qui est complètement innocente. Alright? Alors, ça arrive des fois plus souvent qu'on pense. Donc, une petite nouvelle comme ça, assez spéciale. Alors, on va s'arrêter ici, on va prendre une petite pause et puis on va revenir après pour le reste des nouvelles. Je vous en prie. OK, vous êtes de retour à l'autre monde. François Marginat au micro sur les ondes de Choc FM. Alors, chers amis, écoutez, il nous reste à peu près une demi-heure là d'ici la fin de l'émission. Alors, on va essayer de couvrir le plus de terrain qu'on peut. On va y aller avec un petit peu de nouvelles entourant l'Asie. Ensuite, je vais vous faire un petit topo assez rapide sur ce qui se passe avec BP, mais je vais y revenir la semaine prochaine en plus, je dirais avec plus de détails en tout cas, parce que je vais écrire un article cette semaine sur les sites du Québec et sans papier qui va expliquer la situation réelle là, de ce qui se passe dans ce coin-là. Surtout, en fait, la grande fraude, la grande illusion. On pourrait appeler BP le grand maître illusionniste. Parce qu'on nous ment, parce qu'en réalité, le pétrole n'a jamais arrêté de couler à fond et à flot dans le golfe du Mexique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi sous peu. Alors, vous savez, ici au Canada, c'est probablement ailleurs, comme chez vous aussi, pour les auditeurs qui nous écoutent à partir de la France, la Belgique, la Suisse. Vous savez, on vous dit de couper hein, dans vos dépenses énergétiques. On vous demande en fait d'économiser. Et puis, quand ça se fait, vous avez la population qui commence à économiser, on coupe dans nos dépenses énergétiques, et bien, qu'est-ce qui arrive pour nous récompenser? Eh bien, les pouvoirs en place montent les prix de l'énergie. Alors, ça s'est passé aux États-Unis, ça se passe ici au Canada. Vous avez maintenant une grande nouvelle ici, allez voir, ça se trouve être en Ontario où on annonce que les prix de l'énergie vont monter en flèche. Alors, vous savez, c'est partiellement dû à ce qu'on appelle le Green Energy Act là-bas. Alors, vous savez, l'énergie verte, hein, vous savez, ce mouvement vert, on vous dit, faut sauver la planète et puis après ça, on monte les prix puis on vient chercher l'argent dans votre poche. Alors, vous savez, les gens qui habitent en Ontario, dans la province de l'Ontario, vont payer probablement plusieurs centaines de dollars de plus par année pour finalement se chauffer, pour utiliser l'énergie électrique. Alors, vous avez les consommateurs de Hydro-Ottawa qui ont déjà cette année vu une augmentation dans les deux chiffres. Alors, on parle d'augmentation là, de plus de 10 %. En fait, on parle même de jusqu'à 17,7 % des coûts d'électricité dans cette province. Alors, vous savez, c'est énormément d'argent. Et puis, les gens vont devoir d'ailleurs à s'attendre à aussi des hausses dans les prochaines années. Alors, vous savez, c'est loin d'être terminé. On va continuer de monter justement ces prix d'électricité-là de façon assez éhontée, je dirais, parce que là, c'est pas des petites hausses non plus. Hein. Vous devez comprendre que les gens, à un moment donné, n'ont plus d'argent, sont à côté. On n'a plus de marge de manœuvre. Et puis, eux autres, ben ces gens-là, qui gèrent notre énergie, ces gens-là qui nous gèrent, les politiciens, cette rapace, eh bien, vont augmenter les coûts d'électricité dans cette province-là, quasiment là, à coût de 5 à 15% selon les années. Et puis ça, ben, c'est une tendance lourde, ça se produit un peu partout, même ici au Québec. Les trois dernières années, on a connu des augmentations successives des prix d'électricité. Alors ça, c'est assez révoltant et puis je tenais à en parler. Au niveau de l'Asie, on va y aller assez vite. Vous avez la Chine maintenant qui a dépassé le Japon comme étant la deuxième plus grande économie du monde. Alors ça vient de se passer dans le dernier quart de l'économie. Alors ça aussi, là, ça commence à être assez incroyable de voir ça. Donc la Chine qui est en train de se dresser comme étant une superpuissance émergente. Ensuite, vous avez une autre nouvelle ici qui parle des États-Unis qui risquent un conflit armé militaire avec la Chine dans la mer Jaune. Alors, pourquoi? Ben parce que vous avez des manœuvres qui se font là, des manœuvres militaires. On a déplacé des bateaux de guerre, on fait des exercices de guerre avec la Corée du Sud. Alors, on déplace vraiment des effectifs militaires assez impressionnants dans la région. Et puis, c'est pas sans énerver, évidemment, la Chine. Alors, imaginez la Chine qui viendrait faire des exercices de guerre au large de New York ou de la côte californienne. Je vous vois déjà un peu comprendre là, ce qui se passe et puis qu'est-ce qui arrivera avec la réaction des Américains. Alors, c'est un peu la même affaire avec la Chine, c'est évident. Alors, on provoque la Chine, on provoque la Russie, un peu comme je vous disais depuis le début de l'émission. Et puis, vous avez un autre article ici qui parle justement de ces manœuvres douteuses des États-Unis. Vous avez Hillary Clinton aussi qui a annoncé que la capitale vietnamienne va se préparer à intervenir dans des disputes territoriales. On parle ici de territoires autant, je dirais, océaniques, alors que aussi des réserves de pétrole, des affaires comme ça. Alors, vous avez le Vietnam, Taïwan, Brunei, les Philippines, la Malaisie et puis la Chine qui se retrouve à être mêlée dans ces, je dirais, dans ces conflits futurs. Alors, voilà, donc ça, c'est à voir. Vous avez la Chine, d'ailleurs, qui a de façon très abrupte arrêté ses relations militaires avec les États-Unis en février, dû aux ventes d'armes américaines à Taïwan. Alors, ça continue. Vous voyez la relation entre les deux pays qui continue de s'empirer et les États-Unis qui ne font absolument rien pour essayer de la réparer. Et puis les exercices militaires qui se déploient en ce moment justement autour de la côte chinoise ne font que garantir une chose, c'est que les tensions entre ces deux pays ne font que augmenter. Alors, vous devez comprendre aussi qu'à n'importe quel point, la Chine pourrait aussi attaquer d'un certain sens les États-Unis en se libérant encore plus de ces dollars américains qu'elle détient. Alors, vous savez que la Chine est le plus grand déteneur de dollars américains, de réserves américaines, et il ne suffirait que d'un mouvement pour vendre ces dollars américains-là pour simplement faire s'effondrer le dollar américain et conséquemment l'économie américaine. Alors, ça aussi, là, c'est à suivre. Vous avez aussi des nouveaux missiles chinois qui sont censés porter un certain challenge aux États-Unis. Alors, les États-Unis qui, justement, sont en train de perfectionner et puis d'investir beaucoup d'argent dans leur armée, surtout l'armée navale aussi, pour essayer d'en terminer avec la dominance des États-Unis sur les océans. Alors, nous avons des nouveaux missiles qui s'appellent le Dongfeng 21D, qui peuvent être lancés, qui peuvent être largués à partir de la Terre et puis détruire les systèmes les plus avancés comme les porte-avions jusqu'à des distances assez impressionnantes de 1 500 km. Alors, voyez un peu là, ce qui se passe. Vous avez les États-Unis aussi qui planifient une autre base militaire au Kirghizistan. Alors, ça aussi, c'est un autre lieu justement où les États-Unis sont en train de s'installer. C'est en périphérie de la Russie et de la Chine. Et puis, les États-Unis planifient construire une nouvelle base militaire de l'ordre de 10 millions de dollars dans une ville du sud du Kirghizistan qui s'appelle Osh. Vous avez, c'est la place d'ailleurs où 300 personnes sont mortes dans des affrontements en juin. Alors ça a été rapporté par Press TV. Alors ça aussi, c'est à surveiller. Alors vous voyez là qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce coin-là. Ça, cette nouvelle-là a été d'ailleurs rapportée par le Washington Post. Vous avez aussi des nouvelles assez étranges. Ça ne vient du Chinois. Chinois qui est un média chinois d'ailleurs, où on apprend à Nouveau-Delhi, ça c'était publié le 13 août dernier, vous avez 61 camions qui étaient chargés avec 300 tonnes d'explosifs qui ont complètement disparu, alors simplement disparu, clouc, vous savez, c'est dans la province du Madhya Pradesh. Alors ça a été aussi rapporté dans les médias. Alors vous avez, écoutez, là, 61 camions qui transportaient 300 tonnes d'explosifs qui sont disparus. Comme, je sais pas si vous vous rappelez des attentats qu'on avait eus il y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 ans, justement en Inde. Et puis ça commence à faire peut-être suspecter qu'on va assister à une genre d'attaque ou quelque soit, là, en tout cas une fausse attaque, pavillon, quoi que ce soit. En tout cas, ça, regardez ça à la tête, là, vous avez ces fameux détonateurs. Des bâtons de gélatine qui, dans les mauvaises mains, pourraient causer des dégâts assez dévastateurs. Alors, ça, c'est une nouvelle assez surprenante aussi qui est sortie. 61 camions qui sont disparus. Ça disparaît pas comme ça, 61 camions, chers amis. Alors, dernière nouvelle, en partant de l'Asie, c'est les États-Unis qui sont en train de signer un accord avec le Vietnam qui va probablement leur permettre d'enrichir des produits radioactifs. Alors, on parle de nucléaire ici. Donc, on est en train tout simplement de vous dire dans les nouvelles que les États-Unis sont en train de faire un accord avec le gouvernement à Hanoï pour enrichir l'uranium. Eh oui, alors vous voyez les doubles standards, encore les deux poids, deux mesures incroyables, alors qu'on blâme l'Iran de vouloir développer des armes nucléaires, ce qui est complètement est complètement faux, OK, sans fondement. Et ben, vous avez les États-Unis et puis Israël, comme je vous dis, là, qui pointent du doigt, on menace d'attaquer le pays. Et d'un autre côté, on se retourne de bord et puis après ça, on permet au Vietnam, vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, auquel on a permis de développer des armes nucléaires. Alors, vous avez ces faux gendarmes mondiaux qui décident de qui peut avoir l'arme nucléaire et qui ne peut pas. Donc, ça va tout dépendant de qui sont vos ennemis ou vos amis. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on parle ici là, de choix qui sont, en parenthèse en anglais, fair, alors des choix qui sont justes entre les différentes nations, il n'y en a pas. C'est des deux poids, deux mesures. Ces gens-là jouent à qui va avoir raison, qui va décider de qui va avoir telle arme ou qui ne l'aura pas. Alors, c'est assez honteux aussi, je dois vous dire. On fait une petite parenthèse santé aussi très rapidement à cause du H1N1. Vous avez des nouvelles très importantes qui sont sorties. Vous avez officiellement l'OMS qui a déclaré la pandémie du... la pandémie... Oh, mon Dieu! La pandémie... La pandémie... La pandémie qui s'est jamais présentée! La fausse pandémie, hein? La fausse alerte qui a enrichi Big Pharma de plusieurs centaines de millions de dollars. On vous a épeuré avec ça. On vous a dit qu'il était pour avoir des millions de personnes qui étaient pour mourir à travers la planète. Vous êtes rendu compte que finalement, le grand scandale de la pandémie s'est éteint directement après Noël. Et du jour au lendemain, on n'a plus jamais entendu parler du H1N1. On vous a épeuré avec ça. Tout le monde était pour mourir. Puis là, boum! D'un coup, tout ça est disparu des médias. Un coup que les grandes compagnies pharmaceutiques ont complètement empoché des centaines de millions de dollars, littéralement, de votre argent. Ben oui, de votre argent. Et puis en plus, tous ces pauvres gens qui ont cru à cette campagne de terrorisation, qui sont allés se faire vacciner, eh ben, vous avez pris des risques, si ça vous concerne, vous avez pris des risques pour rien avec, bon, ben, de l'aluminium, du scalène et puis toutes sortes d'ingrédients comme ça qui sont toxiques, qui n'ont jamais été testés, pour lesquels les compagnies pharmaceutiques avaient reçu une immunité juridique. Alors, on vous a ri en pleine face. Et puis là, on a déclaré finalement la fausse pandémie terminée. Alors, l'OMS qui a déclaré que c'en était terminé. Et puis là, vous avez maintenant des nouvelles qui ont été même aussi admises par l'OMS, comme quoi que le tiers des experts qui conseillaient l'OMS à propos du H1N1 avaient des liens avec des firmes pharmaceutiques. Ah, ben, regardons ça, c'est spécial, hein? Pendant tous ces mois, l'automne passé jusqu'à l'hiver, on nous traitait de conspirationnistes et puis d'hallucinés, de dérapage total. Et whoop-a-lay, tout d'un coup, quelques mois après, eh bien, on vous annonce qu'on avait raison, qu'effectivement, les gens de l'intérieur de l'OMS avaient des liens avec les compagnies pharmaceutiques. Alors, vous aviez 5 des 15 spécialistes qui siégeaient sur le comité d'urgence, avaient reçu des fonds des grands géants pharmaceutiques ou avaient des liens à travers des recherches qu'ils avaient faites. Alors, voyez que à un moment donné, les médias alternatifs vous rapportent la vérité, en tout cas, vous rapportent une bien meilleure information que ce que les grands médias peuvent faire, les grands médias qui, encore une fois, vous ont menti en pleine face, n'ont pas encore été capables de faire leurs recherches. Ça, c'est tout le temps le même pattern qui se poursuit, alors que ça soit à propos de la guerre en Irak en 2003, les médias qui ont menti, ont colporté ces mensonges, même si nous autres, on vous disait que c'était des mensonges. Même affaire pour le 9-1-1, même affaire pour le H1N1, même affaire pour le réchauffement climatique. C'est toute la même histoire, chers auditeurs. Il est temps que vous vous réveillez. C'est pas pour vous dire, ah, on vous l'avait dit, ça n'a rien à voir avec ça. On est en train de vous dire que, merde, pensez, réfléchissez. Je sais que c'est pas très populaire de notre époque, mais réfléchissez. Puis au lieu de traiter des gens, des médias alternatifs comme étant des conspirationnistes, peut-être que vous devriez commencer. Là, je dis vous, là, chers auditeurs, en général, je n'ai pas rien à vous blâmer. Là, je parle vous, la masse en général qui embarque dans ces affaires-là. Écoutez, là, à un moment donné, peut-être que les gens devraient commencer à se poser des questions puis écouter justement les médias alternatifs qui vous rapportent de l'information de qualité depuis des années. Alors, évidemment que je ne vous demande pas d'aller écouter n'importe quel farfelu sur Internet, mais vous en avez des bons. Et puis, ben, écoutez, on essaie d'être les meilleurs aussi pour vous autres ici à l'autre monde. Alors, ben, allez voir les liens là-dessus. Vous avez plusieurs articles. Il y en a un du Daily Mail ici. On va traîner en cours d'ailleurs. On va probablement citer l'OMS en cours pour justement toutes ces fraudes-là. Alors, comme je disais, 5 des 15 spécialistes qui avaient des liens ou qui ont reçu de l'argent, même des compagnies pharmaceutiques, c'est incroyable. On avait annoncé que 65 000 Anglais d'Angleterre étaient pour mourir. Même affaire ici au Canada et puis dans tous les autres pays. Vous savez, en Angleterre, seulement 457 personnes sont mortes. On avait prévu 65 000. 457 sont mortes et puis la plupart de ceux-là avaient déjà des problèmes de santé. Alors, vous comprenez à un moment donné que on vous niaise, hein? On vous terrorise pour faire de l'argent et puis après ça, on s'en va en courant avec l'argent. Donc ça, vous avez toutes les nouvelles ici à aller voir là, c'est assez incroyable. Les étudiants qui, ça vient de Spokane, c'est des États-Unis, on continue quand même. Sans honte à terroriser la population. Alors, on dit que l'école va commencer bientôt et puis que la saison de l'influenza, alors de la grippe saisonnière, va commencer aussi. Et puis, là, on dit dans cet article-là que la grosse question, c'est à savoir si le H1N1 va être aussi sérieux que l'année dernière. Là, écoutez, là, je vous dis, ça, c'est les mots même du texte. Là, on se demande si le H1N1 va être aussi sérieux que l'année dernière. Aussi sérieux que l'année dernière. Je veux dire, écoutez, il n'y avait rien d'absolument sérieux. Statistiquement, OK, c'est pas des chiffres que je prends comme ça dans ma tête, là. Statistiquement, concrètement, le H1N1 était 10 fois moins grave, moins mortel que la grippe saisonnière normale. Alors, aussi sérieux que l'année passée, chers amis, c'est assez incroyable. Alors, dans cet article-là, on apprend que cette année, tralala, on va essayer d'éviter les problèmes qu'on a eus cette année avec toutes les gens qui ont refusé de se faire vacciner et puis toutes les gens qui ont vu clair dans cette manigance-là. Alors, on va incorporer dans les vaccins de la grippe saisonnière celui du H1N1. Et puis, on apprend dans ces articles-là que vous allez trouver sur les nouvelles internationales qu'on va d'ailleurs augmenter la puissance de ces vaccins-là, surtout pour les personnes qui ont des systèmes immunitaires déficients, dont les personnes âgées. Wow! Alors, on continue. On va tout inclure ça dans un même vaccin, un gros package comme ça, bidding badang, on va incorporer un paquet de virus là-dedans. Après ça, on va augmenter la dose, zap, on va donner ça aux personnes âgées et puis pour aux enfants. On a même donné une liste dans cet article-là pour que les jeunes aillent se faire vacciner. Alors, vous avez les gens ici d'Arcadia, l'école élémentaire d'Arcadia vont pouvoir aller se faire vacciner entre 10 h et 4 h de l'après-midi. Ensuite, vous avez l'école élémentaire d'Arlington. Alors, vous avez toutes les heures comme ça, c'est absolument incroyable. Alors, on va se réessayer cet automne avec cette folie-là. Alors, soyez avertis, on va continuer de vous niaiser puis de rire en pleine face. Donc, voilà quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une étude qui a été récemment publiée dans le journal The Internal Medicine qui a révélé que l'industrie a financé des essais cliniques. Alors aussi, vous savez, on finance ces fameux essais cliniques-là pour essayer de leur donner des résultats positifs. Alors, on manipule carrément ces résultats-là. On crée des faux journaux médicaux pour essayer de vendre ces produits-là, ces médicaments-là. Alors, voyez là, toutes ces nouvelles-là. Vous avez le docteur Rubin ici, bon, qui avait aussi manipulé des essais cliniques comme ça. Maintenant, on dit que maintenant, il y a un désordre bipolaire. On va essayer de le faire sortir de toute culpabilité de quoi que ce soit en disant qu'il est un peu fou comme ça. Mais écoutez, là, je veux dire, c'est incroyable, là. Je veux dire, ces personnes-là sont payées par les compagnies pharmaceutiques. On trafique les études et puis après ça, on vous dit que ces médicaments-là sont bons pour vous. Vous avez un très grave problème avec le secteur pharmaceutique. Vous avez aussi AstraZeneca qui va être obligé de payer des millions de dollars pour des dommages. Alors, c'est une compagnie pharmaceutique anglo-suisse qui va payer 198 millions de dollars en dommages à environ 17 500 personnes aux États-Unis en connexion avec les effets secondaires à leur médecine qui s'appelle le Seroquel. Alors, c'est comme ça, les effets secondaires. Bien souvent, les compagnies pharmaceutiques le savent d'avance que ces produits-là causent des effets secondaires très nuisibles et puis on les met pareil sur le marché parce qu'on veut rentabiliser les recherches et c'est comme ça que ben, on se fout carrément de votre santé. Alors, vous allez trouver aussi des nouvelles sur Obama. Vous avez le pedigree ici d'Obama, alors qu'il y a des liens avec la CIA. Alors, ça aussi, ça vient d'une très bonne source de Wayne Madsen, un journaliste très important des États-Unis qui a rapporté justement sur les liens d'Obama, qui d'ailleurs a été employé pour plus d'une année par une compagnie qui est un front pour la CIA qui s'appelle The Business International Corporation à New York. Alors, tout de suite après qu'il ait gradué de l'Université de Columbia en 1983, et vous allez trouver là, toutes sortes d'informations là-dessus. Aussi, sa mère qui a travaillé pour ce qui s'appelle la Ford Foundation. Et Obama qui a différents liens justement avec la CIA et puis toutes ces organisations-là. D'ailleurs aussi, vous avez une banque qui a été saisie cette semaine avec laquelle Obama a des liens, une banque à travers laquelle justement il était pour faire beaucoup d'argent avec les fameuses taxes et les échanges de carbone. Alors, ça c'est aussi une affaire incroyable, c'est un dossier assez débile sur lequel je vais revenir, le réchauffement climatique. Vous allez apprendre que tous ces gens-là, dont Obama, réellement là, ont investi de l'argent et puis se tenaient à profiter énormément. On parle d'un marché très lucratif de plusieurs trillions de dollars. Okay? Trillions, c'est des 1 000 millions de dollars. Et Obama avait des liens face à ça. Alors, je vais y revenir à ça, mais je veux dire, il y a de la fraude incroyable. C'était écœurant. Là. Je veux dire, Obama qui est là réellement pour faire de l'argent, c'est une fausse figure. C'est incroyable. C'est un clown, ce gars-là. Voilà, vous avez aussi un conseiller senior de l'ancien président Bill Clinton qui a déclaré que Barack Obama a besoin d'être sauvé. Alors, la seule affaire qui pourrait sauver Obama, qui est en chute libre dans les médias par rapport, je veux dire, dans les sondages, dans l'opinion publique, et on dit ici que seule une attaque terroriste pourrait justement remonter l'opinion publique d'Obama. C'est assez incroyable. Alors, attendez-vous aussi à de quoi peut-être assez grave aux États-Unis. Vous avez aussi sa femme, Michelle, qui, elle, a pris des vacances, qui a coûté énormément cher en Espagne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, la dame, elle, est partie avec 40 de ses plus proches amis. Ça, c'est sur le bras du gouvernement, évidemment. Et puis, selon CNN, le groupe est allé occuper un hôtel, a occupé 60 à 70 chambres. OK? Alors, vous voyez, on a carrément là accaparé un tiers d'un énorme hôtel là-bas. Et puis, c'est comme ça que les gens voyagent. OK? Donc, la grande Michelle, hein? Michelle Obama, qui, elle, réellement, là, ne dépense pas un peu d'argent pour les vacances, elle dépense énormément d'argent alors que la nation est en train de crouler dans la banqueroute. Alors, voilà comment que ça se passe. Ça a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, ça, c'est pas mal les nouvelles de l'actualité. Dans l'économie, écoutez, là, on va pas parler très longtemps de l'économie. Je vais y revenir la semaine prochaine plus en détail avec le dossier de BP. La seule affaire, c'est que vous avez la prochaine vague, le prochain crash économique qui s'en vient. Vous avez beaucoup d'analystes très importants que je suis depuis plusieurs années qui étaient réellement les seuls à voir venir la crise et puis l'ont expliqué des années même à l'avance. Alors, des gens très fiables, pas les sans-dessins qui vous disent à la TV qu'il se passe rien puis que tout est beau puis que l'économie est en train de reprendre. On parle des vraies personnes qui vous disent la vérité, OK? Alors, écoutez, on vous dit que réellement, là, le dollar américain risque un effondrement cet automne, en tout cas dans les prochains mois à venir. Vous avez le pouvoir d'achat du dollar américain qui a chuté de 94 à 98%. Ça, on parle seulement depuis les 30 dernières années, OK? Alors, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Vous avez des pertes d'emplois records. Alors, vous avez des nombres assez impressionnants de personnes qui ont perdu leur travail. Vous avez des reprises de finances assez énormes aussi. Vous avez aussi des faillites des banques qui continuent de faire très mal aux États-Unis. Alors, je crois que vous avez au-dessus de 110 banques aux États-Unis qui ont été fermées. Alors, en date, en fait, du 12 août 2010, on était rendu à 108 banques qui ont été fermées, qui ont fait faillite. Ça, on compare ça à l'année dernière, qui était la grande année de la dépression, entre parenthèses, où on avait déjà 77. Alors, on a 40% plus de banques qui ont fait faillite cette année que l'année passée. Vous savez, c'est assez incroyable. Vous avez aussi la Federal Deposit Insurance Corporation qui, elle, est l'agence fédérale américaine qui est chargée de garantir les dépôts bancaires qui sont faits aux États-Unis. Et puis, vous avez cette grande banque-là, en fait, qui garantit les dépôts, la FDIC, qui, elle, est en train de faire faillite, elle aussi, vous comprenez. Alors, ça, c'est pas une affaire qui est très, très reluisante. C'est pas une affaire qui est de bonne augure, ça, c'est évident. Donc, vous allez voir un article là-dessus qui est très intéressant, qui est en français d'ailleurs. Alors, vous allez aimer ça. Ça s'appelle Faillite des banques américaines, toujours plus haut, toujours plus fort. Et puis, vous avez des petits graphiques assez inquiétants là-dessus. Vous allez voir là, le nombre de défaillances bancaires aux États-Unis qui sont en hausse assez importante. Alors, vous allez trouver tous les détails par rapport à ça. Vous allez voir que les actifs cumulés des banques défaillantes crèvent le plafond. Et puis atteignent des sommets qu'on n'a jamais atteints avant, là. Vous avez des actifs engagés par les défaillances bancaires aux États-Unis qui se chiffrent dans l'ordre, on parle ici de trillions de dollars, OK? Vous avez les États-Unis en dette accumulée qui doivent à environ 70 trillions de dollars, OK? Donc, c'est 70 000 milliards de dollars. Si on calcule les dettes accumulées là, la dette publique des États-Unis et puis celle des municipalités et puis des États. Alors, vous voyez là qu'à un moment donné, on a un sérieux problème et qu'on fait face carrément à une banqueroute des États-Unis dans les mois à venir, c'est pas dans la couple d'années qui s'en vient. Alors, ayez ça en tête, ça c'est une chose très certaine. Et puis, vous avez le dollar qui est maintenant prêt pour une dévaluation absolument catastrophique. Pour différentes raisons que je vais vous résumer plus en détail la semaine prochaine. Alors, on va y aller brièvement maintenant avec, écoutez, le Moyen-Orient, je vais y revenir aussi la semaine prochaine, j'ai pas même le temps cette semaine. Je vais essayer de vous dire là, ce qui se passe avec BP. Okay? Donc, brièvement, ce qui se passe avec BP, chers amis, c'est qu'on vous a menti. Je vais vous parler de ça aussi plus en détail la semaine prochaine, mais j'ai tous les documents et j'ai toutes les raisons de croire. Okay? Quand je vous dis que je suis ça depuis des semaines, là, c'est j'ai vraiment fouillé à fond. Alors, c'est un dossier que je possède de façon très claire. Et honnêtement, là, pour être bien prudent, je vais vous dire que je suis certain 98%, mais dans mon esprit, je suis certain à 100%. Là, je vais juste me garder un petit facteur comme ça là, de sécurité. Mais je vais vous dire bien honnêtement qu'on vous ment. OK? Alors, on vous a présenté des vidéos à la télévision de la part de BP en vous disant qu'on avait finalement colmaté le fameux puits qui a laissé s'échapper des millions, des dizaines de millions de litres dans le golfe du Mexique de pétrole. OK? Alors, on vous a dit que on avait colmaté cette source-là, que tout est beau, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Et le gouvernement est allé bien plus loin. Et pas seulement le gouvernement, mais les médias ont charvoyé aussi cette nouvelle-là de BP. En vous disant que 75% du pétrole s'était carrément évaporé, avait disparu. Alors, réellement, on vous prend pour des caves, on vous prend pour des idiots, des sans-dessins, en vous faisant à croire que 75% du pétrole a complètement disparu du golfe du Mexique comme ça par magie. On vous a dit que le puits est colmaté et je vais vous présenter en détail la semaine prochaine le fait. Ça vient carrément des documents, okay, du gouvernement et de BP, okay, de British Petroleum, dans lesquels on apprend, on voit très clairement que BP a drillé deux puits de pétrole, okay, et non seulement que un, vous avez deux pétroles, vous avez le puits de pétrole A qu'on a perforé en premier, et puis ensuite, on a le deuxième qui s'appelle le puits B. Et puis, le A a été colmaté. En fait, c'est un puits que BP a creusé tout d'abord, il y a plusieurs mois. Ensuite, on a eu des problèmes avec ça. On l'a bouché. On a percé un deuxième trou qui s'appelle le puits B. Et puis, c'est celui-là qui a explosé le 20 avril dernier et qui a fait couler le Deepwater Horizon et qui a tué, je crois que c'est 9 ou 11 personnes, je ne me rappelle plus de mémoire, là. Et puis, qui finalement a fui des millions de litres dans le golfe du Mexique. On n'a jamais été capable de le colmater et je vais vous expliquer plus en détail la semaine prochaine comment qu'après la petite tempête Bonnie, on a transféré les caméras de place et puis on vous a fait à croire qu'on a colmaté la fuite du pétrole B en vous montrant des images du puits A. Alors, ça peut vous paraître assez spécial comme information si vous n'étiez pas au courant. J'ai toutes les preuves de ça. Je vais écrire un article très important la semaine prochaine à ce sujet-là. Ne manquez pas ça. Ça va être publié autant sur les sites du Québec que sans papier. Je vais probablement aussi le publier sur plusieurs autres sites comme mondialisation.ca, Agoravox et ainsi de suite. Ça risque d'être un article assez choc qui va renvoyer des ondes de choc sur toutes les médias français parce que ça, c'est des informations qui ont commencé à sortir en anglais, mais malheureusement, Ces informations-là filtrent très mal dans la blogosphère francophone. Alors, je vais m'occuper de ça. Je vais vous expliquer la semaine prochaine comment qu'on a procédé à cette grande illusion, cette grande fraude BP qui vous rit en pleine face. Alors, on a finalement présenté les images d'un autre puits, alors que celui qui fuyait comme un malade dans le golfe du Mexique n'a jamais réellement été colmaté. Et non seulement n'a jamais été colmaté, mais vous avez des sources de nouvelles extrêmement importantes, extrêmement crédibles, où on explique que les strates géologiques sous ces puits-là sont très de nature très instable. Vous avez plusieurs strates de sel, OK? Et puis, vous avez finalement ces strates-là qui sont fragmentées, puis vous avez le pétrole qui carrément s'immisce dans ces failles-là, et puis dans ces strates-là, et puis fuit d'à peu près partout du fond marin. Alors, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Je vais vous détailler ça tout en détail. Et puis, suite à ça, bien, vous avez plusieurs autres articles aussi qui parlent qu'on est en train d'affecter justement les courants marins dans le golfe du Mexique, qui ont des effets justement sur ce qu'on appelle le Gulf Stream, qui amène des températures clémentes à l'Angleterre et puis l'Europe du Nord. Et on remarque déjà des changements justement dans ces courants marins-là qui risquent de nous amener des changements climatiques assez importants. Et puis certains commencent déjà à parler, peut-être, en tout cas, d'une certaine ère glaciaire qui pourrait s'installer face à ça. Alors, voilà, béding, béding, vous avez déjà le sujet en pleine face pour la semaine prochaine. Ne manquez pas l'émission, ça va être une très grosse émission la semaine prochaine. Je vous expliquerai ça tout en détail. Alors, on va voir l'économie, le Moyen-Orient, puis BP la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Alors, moi, je vous tire mon chapeau. On est reparti pour toute la saison. Merci d'être à l'écoute. C'était François Marginat pour L'Autre Monde. Je vous salue bien bas et puis portez-vous bien. Bye bye, ciao!